ça met de road king d'or. Ma gueule de jazz, toujours à mon mind. Pour ton mot qui gagne time. Mon love, donc tout ça, ton café nice. J't'attendais depuis long time. Prends long time. Donc je prendrai soin de toi every time. Ma gueule, c'est are you alone, make me feel like this. Baby, you make me feel like this. This. Are you alone, make me feel like this. Baby, you make me feel like this. Yeah. Ooh, boy, shake the piggy. Ooh, boy. Long time. J'y repense tout le temps, t'imagines pas. T'as tout ce qu'il faut, être douce toi. Tu me fais que l'effet, même à distance. Oh ma baby, ne me lâche pas. Tu m'as rendu love, baby. Love, baby. Tu m'as rendu love, baby. Love, baby. Hey boy, enchanté. Je te vois mais je n'ose pas m'approcher. Précieux comme un trophée, je dois avouer que mon cœur tu as dompté. J'aime ta douceur sous tes allures de bad boy. Je te laisse les manettes, mais c'est moi qui le contrôle. Bé, faut pas t'affoler. Bé, faut pas t'affoler. Ouh, boy, j'ai des piquets. Ouh, boy. Ouh, boy, fais-moi kiffer. Ouh, boy. Oh my god, ça, j'y repense tout le temps, t'imagines pas. Douce-toi, tu me fais que l'effet, même à distance. Oh ma baby, ne me lâche pas. Tu m'as rendu love, baby. Love, baby. Tu m'as rendu love, baby. Love, baby. Girl, tu qui m'ouka combine. A tu qui m'oulé depuis long time. Girl, tu qui m'ouka combine. Ça qui te le train, tell them time. J'y repense tout le temps, t'imagines pas. T'as tout ce qu'il faut, être douce toi. Tu me fais que l'effet, même à distance. Oh ma baby, ne me lâche pas. Tu m'as rendu love.